Le podcast. Suivi de la case Actu, bien sûr, mais bien comme tous les jours, hein, le programme télé, les actus numériques, un reportage, bref, tout ce qui fait la case du soir. Nous aurons également la case Talk avec les actus des médias, le mercato des médias, les dernières nouveautés, les programmes supprimés. Bref, vous verrez tout. Nous sommes également avec Matt. Bonsoir Matt. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là. Voilà, parfait, je t'entends. Je n'avais pas le retour, c'est pour ça. Ah oui. Comment vas-tu, Matt? Ça va très bien, je suis en train d'écrire un tweet pour annoncer à tout Twitter le début de l'émission. Eh bien, c'est parfait. Une belle émission qui se profile, je pense. Tout est prêt. Nous, on est bon. Donc, vous savez quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'on vous propose? Eh bien, le radio journal qui arrive puisqu'il est 18h. Radio Antigone. Radio Antigone. La radio à vif. Et oui, je vous l'ai dit, un nouveau point très complet sur l'actualité de ce mercredi 17 juin 2020. Et c'est avec la rédaction totalement internationale, la rédaction de nos partenaires, bien sûr. Je vais retrouver ça dans quelques instants, de nos partenaires RFI. Bonsoir, est-ce que ça vient ou pas du tout? Non, ça vient pas, super, alors j'avais juste ça qui vient si on n'était pas prêt. Miracle, parce que quand je prépare tout, il y a toujours un truc qui n'est pas prêt. La case du soir avec vous jusqu'à 19h, même 19h30 avec la case info d'Antoine. Voici votre radio-journal préparé par nos partenaires de RFI. C'est parti, on y va, ça va aller normalement. Non, ça ne veut pas, allez, c'est parti. Ben dis donc. Non, ça ne part pas. Super, alors, comment on fait? Comment qu'on fait si ça ne part pas? Eh bien, on va faire la vieille technique. Hop, super, j'adore ça. Est-ce que ça part là? Voilà, ça part, excusez-moi. Oh là. Bonjour et bienvenue, 15h TU, 17h à Paris, le journal sur RFI. Gilles Moreau. Dans l'actualité, la mort de nos soldats n'aura pas été vaine, déclare le premier ministre indien. Narendra Modi a réagi aujourd'hui à l'accrochage avec l'armée chinoise, la plus grave entre les deux pays depuis plus de 40 ans, à suivre dans un instant. Des tensions entre la France et la Turquie sur fond de guerre en Libye et d'intervention turque en Irak. Paris en appelle à l'OTAN qui, je cite, ne peut plus faire la politique de l'autruche. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur les nouvelles sanctions américaines contre le régime syrien. Washington annonce le lancement d'une campagne de pression économique et politique. La situation préoccupante à Pékin devant la reprise des cas de coronavirus. Les écoles sont à nouveau fermées et les habitants appelés à reporter tout voyage non essentiel. L'accrochage entre armées indiennes et chinoises aurait fait lundi soir des dizaines de morts sur les hauteurs de l'Himalaya. Au moins 20 soldats tués côté indien lors de cet échange le plus grave entre les deux pays depuis 1975. Et toujours aucun bilan côté chinois. Pékin communique très peu sur cette affaire dont le déroulement commence à être connu. Christophe Paget. Selon New Delhi, une rencontre devait avoir lieu lundi soir entre officiers chinois et indiens pour calmer les tensions. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé. Pour Pékin, ce sont des troupes indiennes qui ont franchi la frontière provoquant et attaquant les Chinois. En tout cas, des deux côtés, on souligne qu'aucun coup de feu n'a été tiré, comme c'est l'usage dans cette zone depuis le dernier incident mortel en 1975. Lundi, expliquent les Indiens, c'est une bagarre qui a éclaté à coups de poing, de barres de fer et de pierres. Selon un spécialiste indien, proche du gouvernement, la patrouille chinoise était plus nombreuse, des renforts sont arrivés des deux côtés et plusieurs centaines de personnes ont commencé à se battre dans un petit espace en altitude. Selon ce spécialiste, cela a créé une bousculade et des soldats seraient en fait tombés dans le ravin. Pékin et New Delhi affirment vouloir résoudre la crise par la voie diplomatique, même si de part et d'autre les propos ne le sont pas forcément. La Chine a exhorté l'Inde à éviter les gestes provocateurs et le premier ministre indien Narendra Modi a affirmé ce matin que le sacrifice des soldats indiens n'aura pas été vain et que lorsqu'on la provoque, l'Inde peut répondre de manière appropriée. Le ton est en train de monter entre Ankara et Paris. Paris qui, sur fond de crise libyenne, se plaint du comportement de la Turquie en Méditerranée ainsi qu'à l'égard des Kurdes. La Turquie vient de lancer une importante opération contre des rebelles kurdes dans le nord de l'Irak. Paris en appelle à l'OTAN. L'OTAN qui ne peut s'en tenir à une politique de l'autruche devant ses agissements, déclare un responsable du ministère français des armées. Les nouvelles sanctions américaines contre le régime syrien sont entrées en vigueur dans le cadre d'une campagne de pression déclenchée par Washington. Ces sanctions figurent dans la loi appelée César, du nom d'un lanceur d'alerte syrien. Elle vise précisément 39 personnes et entités, à commencer par Bachar al-Assad et sa famille. La loi César s'appliquera tant que les auteurs d'atrocités n'auront pas comparu en justice. À plus court terme, ces sanctions vont immanquablement aggraver l'actuelle crise économique en Syrie et au Liban. Correspondance de Paul Khalife. En Syrie, les effets de la loi César se font sentir avant même son entrée en vigueur. La livre syrienne poursuit sa chute vertigineuse face au dollar et les prix des produits de consommation continuent de grimper, provoquant des manifestations de colère même dans des fiefs du pouvoir comme la province méridionale de Souaïda. Mais le gouvernement syrien, déjà la cible de multiples sanctions occidentales depuis des années, s'est adapté tant bien que mal en construisant des circuits parallèles et en renforçant ses liens économiques avec la Russie, l'Iran et la Chine. Le Liban voisin, frappé par une grave crise économique et financière, aura beaucoup plus de mal à s'adapter à cette loi. Le pays du cèdre risque d'être privé d'un marché potentiel pour ses produits et pour ses entreprises de bâtiments et de travaux publics à un moment où il en a le plus besoin. 5 banques libanaises implantées en Syrie envisagent de quitter le marché syrien et de nombreux hommes d'affaires qui espéraient profiter du vaste chantier de la reconstruction craignent d'être la cible des sanctions américaines. Mardi soir, Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah qui se bat aux côtés de l'armée syrienne, a déclaré que la loi César vise à affamer le Liban autant que la Syrie. Paul Khalife, Beyrouth, RFI. Et en France, un oncle du dirigeant syrien Rifat al-Assad est condamné à 4 ans de prison pour blanchiment en bande organisée et fraude fiscale organisée. Il était jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir bâti un vaste empire immobilier de façon frauduleuse. 3 semaines après la mort de George Floyd aux États-Unis, l'émotion et l'indignation sont toujours vives. La question brûlante du racisme et des violences policières est débattue cet après-midi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. La réunion avait été demandé par des pays africains qui veulent une enquête sur le racisme systémique, notamment aux États-Unis. La haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a pris la parole, dénonçant les violences raciales. Elle a prôné des réparations sous diverses formes. Le frère de George Floyd est lui aussi intervenu, demandant à l'ONU d'aider les Américains noirs. L'actualité onusienne, c'est aussi l'Assemblée générale qui se réunit aujourd'hui pour désigner 5 membres non permanents du Conseil de sécurité. L'Inde et le Mexique sont assurés d'être élus. Parmi les autres candidats, le Canada, la Norvège et l'Irlande. 2 sièges pour 3 candidats, très solides selon Ferry de Kharkov. L'ancien diplomate canadien est sceptique sur les chances de son pays car il aurait lancé sa campagne trop tard. Écoutez. L'Irlande, si je me souviens, a commencé sa campagne dès 2005 et la Norvège dès 2007. Nous commençons en 2016. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que la façon dont on gère une campagne, c'est par des échanges de votes. Par exemple, disons que le Japon veut être au Conseil des droits de l'homme, et à ce moment-là, on échange avec le Japon un vote pour le Conseil de sécurité de leur part, et nous, on leur donnera le vote pour le Conseil des droits de l'homme. Et ça, les deux pays qui ont commencé en 2005-2007 sont largement en avance sur nous. Les relations personnelles sont probablement les éléments les plus importants au niveau des chefs d'État et de gouvernement avec d'autres États. Et M. Trudeau, effectivement, a été lent là-dessus. Il y a certains sommets qu'il a manqués. Mais dans les derniers 4, 5, 6 mois, il s'est lancé vraiment à fond. Et je crois qu'il a pu remonter un petit peu la pente. Mais c'est lancé dans une course à un moment donné, alors qu'il y avait déjà 2 candidats très très bien placés. À propos de Ferry de Kharkov, recueilli par Marie Normand. Après avoir détruit le bureau de liaison intercoréen, le régime de Pyongyang reste menaçant. Il rejette une proposition sud-coréenne d'envoyer des émissaires pour des discussions et menace de renforcer sa présence militaire près de la zone démilitarisée. La situation reste préoccupante à Pékin devant la reprise des cas de coronavirus. 137 nouveaux cas précisément en quelques jours dans la mégapole chinoise qui compte 21 millions d'habitants. Les écoles sont à nouveau fermées et les habitants appelés à reporter tout voyage non essentiel. Plus d'un millier de vols ont été annulés au départ et à l'arrivée des deux aéroports de Pékin. En Allemagne, les autorités ont décidé de prolonger jusqu'à novembre au moins les grands rassemblements afin de limiter le risque de propagation du virus. Et en France, plus aucune région n'est en zone rouge ou orange, sauf la Guyane et Mayotte, deux collectivités d'outre-mer. Le gouvernement veut prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 octobre. Les épreuves du bac auraient dû commencer aujourd'hui en France, mais en raison de la crise sanitaire, l'examen a été remplacé par le contrôle continu à partir des notes obtenues tout au long de l'année scolaire. Or, ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Ainsi, les élèves inscrits comme candidats libres et aussi certains jeunes inscrits dans des lycées français à l'étranger non homologués. Reportage de Marie Casadebé. Nous réunissons aujourd'hui pour dire non au bac de septembre. Non à cette grande inégalité et non à cette terrible discrimination. Ils le vivent comme une injustice et le disent dans une vidéo sur YouTube. Ces jeunes, inscrits dans des lycées français au Maroc, en Algérie, en Guinée ou encore en Israël, vont devoir plancher en septembre. Leurs établissements ne sont pas reconnus par l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Les bacheliers doivent donc prouver leur niveau par le biais des classiques devoirs sur table. Et cette année, exceptionnellement, l'examen n'aura lieu qu'à la rentrée. Ce qui bouleverse les projets de Bruno, scolarisé au lycée Fred Épopée d'Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est sa mère, Makati Dosso, qui nous raconte. Mon fils devait partir en France pour commencer à s'organiser, chercher un logement, ouverture de compte en banque, etc. Aujourd'hui, d'abord, on n'a même pas la date en septembre. Vu le pic de Covid que nous on a maintenant, il est même pas dit que ces examens pourront se passer. Les enfants en plus sont pas dans les conditions favorables pour passer un examen. Les écoles ferment à partir du 4 juillet. Eh ben, bonne chance quoi. En Côte d'Ivoire, 130 lycéens sont concernés. Impossible de savoir combien ils sont à travers le monde. L'éducation nationale refuse de communiquer ce chiffre. Mais plusieurs centaines d'entre eux menacent de boycotter les épreuves de septembre. Des nouvelles de football pour finir. La prestigieuse Première Ligue, le championnat d'Angleterre est de retour aujourd'hui après plus de 3 mois d'arrêt forcé. En ce qui concerne la Ligue des Champions, on apprend que la finale aura lieu le 23 août à Lisbonne. Cette finale clôturera un tournoi inédit regroupant 8 équipes dans la capitale portugaise à partir du 12 août. Enfin, la Ligue Europa, elle, s'achèvera le 21 août après un tournoi final disputé en Allemagne. C'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté. Merci à RFI pour Pelle sur l'actualité. J'ai testé la mauvaise chose, c'est une très belle idée que j'ai eue là en baissant mon micro à la place du reste. Merci à la rédaction d'RFI pour ce journal. Prochain point sur l'actualité, c'est tout à l'heure à 18h30 et prochain grand journal à 19h avec le radio journal de 19h. Bah oui, c'est pas sorcier. Radio Antigone. Dans la case du soir, de 18h10 à 18h30, c'est la case actu. Et oui, c'est déjà la case actu, comme tous les jours à 18h12, il est même 18h13, on a une minute de retard, excusez-moi. C'est à cause de mon problème technique pour le radio journal et je m'en excuse, un petit oubli de ma part. La case actu, c'est quoi? Eh bien, c'est de l'actualité. Hein. On va avoir un reportage dans quelques instants avec Matt. Nous partirons au Brésil. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Eh bien, le programme télé de ce soir, voilà. On va vous proposer des programmes à regarder à la télévision. Nous aurons les actus du numérique. Nous allons parler des assistants vocaux et de Google Home, plus précisément. Et nous terminerons avec l'archive pub, ainsi qu'un peu de musique. Voilà, Matt, je te laisse la place pour le reportage. Ben oui, c'est parti, le reportage. Y a pas de jingle. Y a pas de jingle pour le reportage. Il n'y a jamais eu de jingle pour le reportage. Bah peut-être un jingle pour annoncer l'émission, c'est pas grave. Eh ben je peux. Alors on va prendre la direction du Brésil. Dans la case du soir, de 18h30 à 19h, c'est la case Talk avec Enzo et Matt. Et c'est pas le bon en plus que je prends, tout ça pour ça. Ça valait le coup, hein? Ah, c'est pas grave. Le problème technique humain va être réglé très vite, on l'espère. Et on va prendre la direction du Brésil, maintenant où le coronavirus touche davantage de jeunes que dans d'autres pays, alors que 95% des morts du coronavirus sont plus de 60 ans. Dans des pays comme l'Italie ou l'Espagne, ils représentent 69% des décès au Brésil, une situation due à de multiples facteurs. Sarah Cozzolino. Paulo Camargo est médecin et travaille en ce moment dans l'hôpital de campagne du stade Maracana de Rio, monté spécialement pour les patients atteints de coronavirus. Il a vite été étonné du nombre de jeunes en soins intensifs. Tous les cas de jeunes que j'ai eus étaient obèses. Des personnes entre 20 et 30 ans jusqu'à 40 ans. Toutes, sans exception, avaient un degré significatif d'obésité. Au Brésil, 86 millions d'adultes feraient partie des groupes à risque, selon une étude de l'Université fédérale de Sao Paulo. Et le pays fait face à une véritable pandémie d'obésité, selon Eduardo Greco, gastrochirurgien. L'obésité est une maladie. Si on fait la somme des personnes en situation de surpoids et d'obésité, on parle de plus de 60% de la population. Mais si on prend seulement les cas d'obésité sévère et morbide, alors là, c'est plutôt autour de 15-20% qui représentent donc les patients les plus graves. La pyramide des âges au Brésil donne une seconde explication du fort taux de jeunes touchés. Si les plus de 60 ans représentent 25% de la population en Italie ou en Espagne, ils ne forment que 14% des 210 millions de Brésiliens. Selon la pneumologue Margaret Dalcolmo, le virus rajeunit au Brésil. Ce n'est pas seulement une question de distribution de notre pyramide des âges. C'est aussi qu'un grand nombre de ces jeunes vivent dans des zones très densément peuplées et dans des communautés très dépossédées d'un point de vue socio-économique. Les favelas, quartiers pauvres brésiliens, sont davantage habités par des jeunes travaillant dans le secteur informel. Ces travailleurs pauvres sont obligés de continuer leur activité et donc plus vulnérables au virus. Hugo Precep est médecin dans une clinique de famille à Rio. Je pense que ça a à voir avec la façon dont notre société s'est reproduite, dans les inégalités, dans la forme d'organisation du travail, dans l'accès aux services publics, aux politiques publiques qui tentent de réduire les inégalités, dans l'accès à l'éducation. Enfin, dernier facteur avancé par les experts, l'influence du discours du président brésilien qui minimise la pandémie depuis le début. Un grand nombre de ses partisans se sent protégés et continuent d'ailleurs de participer à des manifestations publiques chaque dimanche. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI. Radio Antigone, le programme télé. Je suis fort aujourd'hui. C'est parti donc pour le programme télé. On y va, oui, c'est parti, oh là là. Radio Antigone. On va pas mettre deux fois le même jingle. Ça valait le coup que je passe 4 heures aujourd'hui pour préparer l'émission, dis donc tout ça. Les actus du numérique. Non, c'est pas ça, non, du coup, je ne sais plus télé. Ce que je dis. Le programme télé. Aujourd'hui, mais je ne sais plus ce... chaque jour, nous vous proposons des programmes à regarder à la télévision. Chaque membre de l'équipe vous en propose un. Bon, il n'y a plus que Matt et moi pour l'instant, donc c'est un peu vide, hein, mais on voit les programmes inédits également. Après, Matt, que nous proposes-tu ce soir? Ce soir, je vous propose d'aller sur France 4. France 4 qui rediffuse de nombreux James Bond depuis longtemps, depuis pas mal de temps avec le confinement notamment. Et il nous rediffuse Bon Baiser de Russie ce soir à 21h. Voici donc le résumé de Bon Baiser de Russie. Le cœur d'une belle opératrice de l'ambassade soviétique à Istanbul a deux doigts de trahir sa patrie, balance entre le charme et l'éloquent de James Bond et ses arguments massus et les arguments massus de Spectre prêts à tout pour relancer la guerre froide. Voilà, ça c'est un résumé très résumé. C'est un film d'action de Terence Young, pardon. Il date de 1963. Et voilà, c'est mon conseil télé de ce soir. Bon Baiser de Russie, James Bond, diffusé à 21h sur France 4, canal 14 de votre télé. Eh bien, c'est un très bon conseil, Matt. Merci à toi. On passe aux autres programmes sur vos chaînes, et plus précisément aux programmes inédits. Il y en a beaucoup ce jeudi, ça fait longtemps. On a tout d'abord la suite de la série inédite The Resident sur TF1 à partir de 21h05. Sur France 2, la série télé Romance à 21h05 également. Rediffusion de Des Racines et des Ailes. Un match en direct, oui oui. La Première Ligue reprend avec la 28e journée. Le match reporté Manchester City-Arsenal. À partir de 21h10 sur Canal+. Sur France 5, un nouveau numéro de la Grande Librairie et ça sera en direct. Inédit toujours sur M6, la finale, l'épisode 18, la finale de Top Chef à partir de 21h05. Et puis il faut descendre un peu plus bas pour avoir des programmes inédits, notamment sur ces stars avec le téléfilm Act of Vengeance qui est également inédit à 21h08. Sur Gulli, diffusion inédite de la série télé comique En Famille à partir de 21h tout pile et suivi de rediffusion de nos nostalgies. Ça veut nous rappeler des choses, ça. Corneille et Bernie à 23h45. Tu t'en souviens, Matt? Non. Ah. Oui. Allô. Oui, si, c'est bon. Oui, on t'entend. Ah, pardon, le son est très décalé. Bah, il est 18h20, c'est l'heure des actus du numérique. Ah, d'accord. Très bien. Si tu veux faire comme ça. Non, je te posais une question par rapport au programme. Je me demandais si tu te souvenais de Corneille et Bernie. Qu'est-ce qu'il y a, Corneille et Bernie? Désolé, ma connexion internet est catastrophique aujourd'hui. Et du coup, Je finis le programme télé, hein. Si tu me le permets. Je termine avec Sister. Non, il y a encore deux chaînes même. Sister avec un nouvel épisode de la série télé Elementary. C'est également inédit à partir de 21h05. Et à la même heure, sur RMC Story, le canal 23. Le magazine Dans quelle France on vit qui se pose aujourd'hui des questions sur les violences familiales. La fin du huis clos, point d'interrogation. Donc à 21h05 et ça sera inédit. Voilà, Matt. Là, c'est bon. Merci beaucoup, Enzo. Et désolé pour ces petits cafouillages. Et tout de suite, c'est l'heure des actus du numérique, non? Si. Radio Antigone. Les actus du numérique. Et que nous proposes-tu aujourd'hui, Enzo? Eh bien, aujourd'hui, je vous parle une nouvelle fois des assistants vocaux. Alors, vous le savez, la concurrence est rude sur ce domaine, tant les acteurs, certes n'étant pas des milliers, mais sont les grands géants du numérique. Pour rappel, ces assistants existent depuis déjà 10 ans, oui, sur vos appareils mobiles, hein. Mais vous savez qu'ils sont maintenant dérivés en appareils physiques individuels, sous forme d'enceintes notamment, qui vous permettent donc de contrôler votre maison, par exemple. Google a bien sûr misé sur ces appareils et a lancé son système nommé Google Home en 2016 et en 2017 en France. Eh bien, sachez que selon le site 9to5 Google, la première version de l'enceinte connectée Made in Google devrait être remplacée par une nouvelle, plus puissante et avec, pour l'instant c'est la seule information, un meilleur son. Oui. Je vous le disais, c'est donc la seule information qu'on a à notre disposition sur ce sujet. Pour l'instant, impossible de savoir si la sortie d'une V2 de Google Home impliquerait de nouvelles fonctionnalités, d'autant plus que l'on sait que le Covid-19 a ralenti le développement de certains produits du géant du web Google et d'autres géants également. Alors, y aura-t-il une mini-révolution prochainement sur ce secteur? La réponse, dans quelques mois sûrement. Et on termine avec une info en bref. Oui, Matt, et tu en as entendu parler, j'en suis sûr. Lidl devait vendre à partir de ce matin des PS4 au prix magiquement bas de 95€ au lieu quand même des 399€ lors de la sortie de la console en 2013. Alors autant dire que personne n'a loupé cette occasion, si bien que la police a dû intervenir dans certains magasins afin de contenir l'affluence. Dans certains magasins, vous allez voir qu'il y en a qu'un. Hein. Si vous êtes tenté, vous allez vite être déçu, car cette offre n'était donc que pour fêter l'ouverture d'un magasin. Seul celui-ci proposait la vente, qui a été totalement annulée par la direction du magasin suite au débordement. Cette situation rappelle celle du robot de cuisine que le discounter avait vendu aux alentours de 300€ et qui avait également provoqué une affluence impressionnante sans pour autant la reporter. Et puis on va parler de la distanciation sociale qui était bien sûr très réussie, tous agglutinés devant le Lidl. Voilà, Matt. Merci beaucoup, Enzo, pour les actus du numérique. Et tout de suite, c'est l'heure de l'archive pub. L'archive pub. Et en quelle année on va aujourd'hui, Enzo ? Eh bien, aujourd'hui, nous remontons 30 ans avant, puisque nous allons en 1990. Oui, oui, 1990, tout pile. Et vous allez voir, la publicité que je vous propose aujourd'hui est très courte. Hein. On n'est pas sur un format 30 secondes, pas sur un format 45 secondes, ni sur un format 1 minute. On est sur un format 15 secondes. Voilà. Et puis, c'est une publicité pour Danette. Et donc, je vous propose de vous lever pour écouter cette publicité Danette. Hein, vous allez comprendre pourquoi. Que tous ceux qui aiment le Danette se lèvent. On se lève tous pour Danette. Danette, Danette. Oh là là. Tout le monde se lève pour Danette de Danone. Voilà, voilà, avec ce slogan dont on se souvient tous, notamment les trentenaires, quarantenaires, bref, voilà, hein. Pour cette petite publicité. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet de rattraper notre retard. C'est bien court. Mais oui, alors on n'est pas spécialement en retard en plus. Merci beaucoup Enzo pour l'archive pub. Et voilà que du coup la case actuelle arrive déjà à sa fin. À suivre sur Radio Antigone, nous aurons le flash, un petit point sur l'info, un petit point sur la météo également. Et puis dans la case talk, on va parler médias, la case des médias. On va également parler musique avec notre sélection musicale. Elle est bien la sélection musicale du jour. Mais oui, et en parlant de musique, bah on va en écouter une musique maintenant, 18h25 sur Radio Antigone. C'est l'heure de Romeo Elvis avec Malade. Choses comme elles sont, il y aura quand même de la peine, tant qu'on se rappelle de la veille. Une de perdu, autant dire les choses comme elles sont, il y aura quand même de la peine, tant qu'on se rappelle de la veille. Et j'étais pas dégoûté, mais tu m'auras donné raison, à vouloir faire de la merde, t'avais le pouvoir de l'admettre. Et toujours paré pour les excuses. Désolé mais toutes mes ex sus. C'est mieux que toi, la tête pourtant posée sur son plexus. Y'a des fuites comme dans une écluse. Tu sais très bien. Et y'a des putes même dans les églises. Et j'étais pas vraiment un mec lisse. Plusieurs fois j'ai considéré ça comme un versus. Alors qu'il fallait un mec pisse. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la tête pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Et là t'es où? Tu fais quoi? T'écoutes mes textes? J'en suis certain car les jaloux sont toutes les mêmes. Sous mes airs, j'en souffre encore. Courant d'air dans le parcours en or. Avec qui tu sors, avec qui tu baisses? Pourquoi ça m'intéresse? Mon talent m'a rendu célèbre, le pouvoir ça rend fêlé. L'amour ça rend bête, ça prendra toute l'énergie sans même faire de parenthèse. Pourquoi tu réponds pas? Je sais que t'entends les appels. J'arrive pas à croire que t'es réussi à tout zapper. De façon minable, on dirait les personnages qui font de la course à pied. Ou peut-être que c'est moi qui suis parano. J'ai trop fumé de pétard et je veux finir à la gueule. Commencer la soirée comme faisaient les Ramones. Et la finir éclaté, partir comme un petit rameau. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Ouvre mon micro. Merci, c'était Romeo Elvis avec Malade sur Radio Antigone. On est en avance. Oui, on est en avance, puis je me rends compte de mes bêtises, et je vais continuer à ne pas animer, ne pas préparer l'émission, voilà. Parce que du coup, il faut lancer beaucoup moins bien quand je ne prépare pas. Allez, on est un peu en avance, donc du coup, on fait un petit point sur la météo. Radio Antigone. La météo. Tu n'allais jamais y arriver. Ah non, mais c'est frustrant. J'ai passé toute l'après-midi dessus. Et en fait, tout ce que j'ai préparé, il n'y a rien qui va quasiment. Bon, la météo, Matt, quel temps pour ce soir? Non, pas ce soir, on n'a pas le temps, on va faire juste demain. Alors, demain matin, il va pleuvoir sur toute la côte atlantique. Donc de la pluie en Bretagne, en Charente, en Normandie, seulement quelques nuages avec peut-être quelques averses par-ci par-là. Sur le reste de la France, il y a des nuages avec du soleil. L'après-midi, la dépression continue à avancer sur toute la France. Seul l'Est, donc ce qui est des Alpes, les côtes méditerranéennes et encore, et le Grand Est, seuls ces endroits vont être épargnés par la pluie. Sinon, il va pleuvoir sur tout le reste de la France, et les températures, il fera 18 degrés à Paris, 16 à Tours et en Bretagne, 14 à Limoges, 17 à Bordeaux, 22 à Marseille et 20 à Strasbourg, ça c'est pour la matinée, et pour l'après-midi, il fera entre 16 et jusqu'à 23 degrés. Merci beaucoup Matt pour cette météo, vous êtes sur Radio Antigone, je vais me reprendre, vous allez voir la Castalk qui arrive dans quelques instants, bah, qui commence hein, là, va être beaucoup mieux, vous êtes sur Radio Antigone, je viens de vous le dire, il est 18h30. Radio Antigone, la radio à vif. On fait un nouveau point sur l'actualité. Avec la rédaction. Bonsoir. Bonsoir à tous. La garde à vue de l'infirmière interpellée hier en marge de la manifestation de soignants a été levée. Elle est convoquée devant le tribunal correctionnel le 25 septembre prochain pour des faits d'outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité totale de travail. L'Assemblée examine en cette fin de journée le projet de loi visant à lever cet état d'urgence sanitaire le 10 juillet prochain. Le texte prévoit une période transitoire jusqu'à l'automne pendant laquelle des restrictions seront possibles. En Guyane et à Mayotte, le régime pourrait être prolongé jusqu'à fin octobre. L'Espagne va rendre hommage à ses victimes du Covid-19. Une cérémonie nationale sera organisée le 16 juillet prochain en présence de dirigeants de l'Union européenne et de l'OMS. L'Espagne reste l'un des pays les plus touchés au monde avec plus de 27 000 décès dus à l'épidémie. La situation épidémique à Pékin est-elle jugée extrêmement grave par les autorités, faisant craindre une nouvelle vague de contamination? 137 personnes ont été contaminées depuis la semaine dernière dans la ville de 21 millions d'habitants. Un choc pour les Pékinois car la Chine avait largement endigué à force de quarantaine et de dépistage le coronavirus apparu fin 2019 à Wuhan dans le centre du pays. Tennis, reporté une première fois le 17 mars dernier en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, Roland Garros est de nouveau repoussé alors qu'il avait été reprogrammé du 20 septembre au 4 octobre. Le tournoi du Grand Chelem parisien est donc décalé d'une semaine supplémentaire et se tiendra du 27 septembre au 11 octobre, porte d'Auteuil. L'UEFA officialise le calendrier final de la Ligue des Champions. Les 8 dernières équipes se retrouveront à Lisbonne, au Portugal. Pas de match aller-retour, mais une seule confrontation en quart et demi-finale. Début de ces quarts de finale le 12 août, avant la finale prévue le 23 août. C'était le Flash avec nos confrères de Radio King. Oui, c'est leur nom, c'est pas RFI. RFI, c'est les journaux à 18h et 19h. Mais tout de suite, il est 18h32, c'est l'heure de commencer la Castalk. Radio Antigone. Dans la case du soir, de 18h30 à 19h, c'est la case talk avec Enzo et Matt. Oui, on va écouter de la musique. De la bonne musique, on aura notamment nos sélections musicales. Je garde les titres cachés pour l'instant, mais on va écouter d'ailleurs Straight avec Sultans of Swing. Eh bien, très bien. Je viens de remarquer que toute c'est l'intro, je l'avais faite sans mon micro activé. Ah bon ? C'est et pas oui. grave. Bon, bref, et du coup, c'est l'heure de la case média. Oui, on passe directement à la case média. Je vous ai dit, donc la sélection musicale des 10 dernières minutes et tout de suite la case média pour tout savoir les actus des médias. Radio Antigone. La case des médias. Je me désespère. Pourquoi est-ce que le jingle est aussi bas au niveau du volume? Je n'y comprends rien. Bon, la prochaine fois, je ne prépare pas l'émission. Ça ira mieux comme d'habitude. Si, prépare quand même, on n'est jamais trop sûr. Non, mais je vais préparer, mais là je comprends pas, je suis depuis midi dessus, midi, et c'est pire que d'habitude. Donc, eh bien, les actus des médias, c'est quoi les dernières informations des médias? J'ai l'impression de me répéter, mais comme personne ne m'a entendu, tout savoir sur les derniers changements, sur les différentes chaînes, les dernières annonces, les dernières nouveautés, les dernières suppressions, les derniers transferts de journalistes et présentateurs. Et Matt, que nous proposes-tu pour commencer cette case média? Eh ben alors, avant de parler du mercato, j'avais envie de vous parler d'une mauvaise nouvelle. C'est Le Parisien qui se réorganise et qui abandonne ses 9 éditions départementales. Auparavant, Le Parisien, je le rappelle, avait des cahiers consacrés à chaque département, que ce soit dans les Yvelines, à Paris, dans le Val d'Oise, en Seine-et-Marne. Ils avaient chacun un petit cahier qui était personnalisé, du coup, qui était un cahier par département. Et avec le coronavirus, Le Parisien a abandonné au profit d'un cahier unique. Et voilà que, du coup, ce cahier unique va rester pour une durée indéterminée parce qu'en effet, Le Parisien a perdu de l'argent avec la crise du coronavirus, comme tous les médias. Et Le Parisien qui a dû donc proposer un plan de relance, un projet. Alors, ils appellent ça projet 2020. Ils donnent le nom qu'ils veulent, mais comme beaucoup de médias, finalement, ils ont dû supprimer des postes. Ils ont annoncé donc 30 départs volontaires, voilà. Et donc ça c'est pour Le Parisien. Mais après, il y a eu des plans dans beaucoup d'autres groupes de médias. On se souvient notamment d'Altis, et donc d'Altis notamment, hein, et donc tous ces groupes de médias qui feront notamment de moins en moins appel aux pigistes. Les pigistes, je rappelle, ce sont souvent des jeunes qui sont rémunérés à la pige, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont rémunérés au papier, sont rémunérés à la vidéo, au reportage, et voilà donc les grandes rédactions qui annoncent faire de moins en moins appel aux pigistes. Ça, du coup, forcément, c'est dangereux pour pour ces pigistes, donc, qui sont en général des jeunes journalistes. Merci beaucoup, Matt, pour cette information qui est effectivement plutôt inquiétante. Je fais des liaisons partout. Plutôt inquiétante. Tu nous parles de quoi dans 3 minutes? Je ne sais pas encore. Très bien. Eh bien, moi, je vais être obligé de vous en parler. On a déjà quelques... Si. Oui. Je vais vous parler d'un anniversaire. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est tout, je n'en dis pas plus. Très bien, eh bien, c'est parfait. Et moi, je me vois obligé d'en parler, bien sûr, puisqu'on a comme déjà quelques suppressions de programmes qui arrivent. Hein. On a parlé il y a quelques temps, donc des actus du numérique précédentes, de la suppression de À la bonne heure et de... C'est quoi le deuxième nom? J'ai oublié. La curiosité est un vilain défaut sur RTL. Eh bien, je reste dans le groupe RTL et je vais sur une radio plus bougeante, puisque je vais sur Fun Radio qui a annoncé eux-mêmes, l'arrêt de l'émission de 20h à 22h, le night show qui sera donc arrêté l'année prochaine pour des raisons budgétaires et non pas, visiblement, en tout cas c'est ce qui est dit, ce n'est pas le choix de la direction de vouloir supprimer ce programme. Néanmoins, on a appris dans la foulée un retour probable de Michael en radio. le même jour à quasiment la même heure, donc on peut s'imaginer qu'il arrivera très certainement sur Fun Radio. Alors économie, on n'est pas sûr que mettre Michael coûte vraiment moins cher que de mettre une équipe Marion et les garçons, mais voilà, et donc on peut peut-être s'attendre à la suppression de Lovin' Fun qui est sur la tranche 22h à minuit pour remplacer tout ça par une émission de 20h à minuit avec un présentateur qui coûterait moins cher. On verra ça dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Peut-être, et pour rester sur RTL, on a eu l'information ce matin. Fred, qui anime de 9h à midi sur Fun Radio, arrête également, quitte Fun Radio et se dirige vers du digital. Voilà, du contenu digital, 12 ans à Fun Radio et le départ donc à la fin de cette saison. Voilà pour les actus, pour ces actualités. Je sais plus ce que je dis. Voilà Matt, à toi. Oui, et donc je vais vous parler d'un anniversaire. On va aller aux États-Unis. Né en 1980 à Atlanta, la chaîne de télévision CNN a chamboulé la façon de faire de la télévision avec notamment l'invention de l'information. En continu, elle a ensuite été imitée dans le monde entier et elle fête ses 40 ans. Elle a été tout d'abord à ses débuts moquée, hein, bien évidemment, une chaîne d'information en continu dans les années 80, bah ça fait pas grand-chose déjà que la radio française France Info, quand elle est arrivée, était un ovni. Alors, autant vous dire que la télévision CNN, c'était un ovni également. Elle est ensuite devenue rapidement, alors ça c'est beaucoup plus récent, rapidement devenue anti-Trump et notamment bâchée par Trump dans tous ses meetings, comme la chaîne des fake news. Elle fête donc ses 40 ans. Voilà, c'était juste tout simplement un anniversaire que je souhaitais fêter avec vous. Alors, bon anniversaire CNN. Eh bien, merci beaucoup, Matt. Eh bien, je vous emmène sur le service public. Heureusement que CNN n'est pas au service public, parce que ça aurait fait des dégâts avec Donald Trump. Sur le service public, pour vous parler d'un nouveau programme que va nous proposer Nagui très prochainement et qui sera co-animé avec Valérie Beg. Il s'agit de Pop Show. Alors, attendez, je vais vous retrouver le principe de ce programme qui a été annoncé il y a déjà quelque temps, hein, on a déjà eu vent de ce programme. Alors attendez, j'arrive. Un programme qui sera sous forme de jeu, même s'il est principalement destiné surtout à la bonne humeur, hein, et ça sera à partir du 14 juillet en prime time, donc à 21h05. Le principe est plutôt simple, c'est un grand jeu autour de la musique pour tester les connaissances et les qualités musicales de différents invités. Donc on aura du karaoké, des chorégraphies, du blind test, voilà, plein de choses. Pendant 2 heures, des invités viendront jouer le tout pour la bonne cause. Il y aura 2 équipes de 4, filles contre garçons, voilà, donc il y aura la parité mais pas dans chaque équipe. Ils tenteront, chaque invité, de gagner jusqu'à 100 000 euros pour une association. Cette première émission est destinée à l'Institut Pasteur. Voilà, c'est à partir donc du samedi 4 juillet à 21h05. Et un autre programme sur les chaînes de France Télévisions. Il s'agit d'une soirée spéciale affaire conclue avec le duel des brocantes sur la route. C'est bien sûr animé par Sophie Davant, qui anime toutes les fins d'après-midi à faire conclure. Une nouvelle compétition entre des acheteurs avec des équipes de deux qui prendront la route au volant de leur voiture avec un beau convive Volkswagen, comme ça on reste bien dans le style. Le but sera de chiner les plus beaux objets du Val de Loup, de Loire, j'ai du mal à parler aujourd'hui. L'objectif est bien sûr d'exercer au mieux leur œil de professionnel pour repérer et acheter 2 objets qui leur permettront de réaliser le meilleur bénéfice. Ça ressemble drôlement à la chasse aux objets les dimanches sur France 2. Mais là, ça sera en prime time et ça s'appelle donc Affaire conclue, le duel des brocantes sur la route. C'est le mardi 7 juillet à 21h05 sur France 2. Merci beaucoup Enzo, et voilà pour finir cette case média qui revient la semaine prochaine, mercredi, avec des nouvelles informations exclusives ou pas exclusives. C'est comme tous les mercredis, ce sera 18h35 dans la case Talk. Et tout de suite, voici venu l'heure de la musique dans la case Talk. Avant de retrouver notre sélection musicale dans 5 minutes, on écoute un grand classique d'Dire Straits, Sultans of Swing.

Dire Straits avec Sultans of Swing sur Radio Antigone. Merci à vous d'écouter la case du soir. C'est la case talk avec la case talk et de la musique. Beaucoup de musique. On est à l'heure. Pour une fois, il est 18h49. Radio Antigone. Dans la case du soir, de 18h30 à 19h, c'est la case talk avec Enzo et Matt. La case talk, oui, et comme tous les jours à 18h50, on a même de l'avance, hein, c'est super. La sélection musicale, nous vous faisons découvrir des musiques, et c'est bien sûr Matt qui commence. Matt, ah là là, un bon artiste dont tu nous fais découvrir un de ses... Oui. Une petite partie de ses compositions, parce qu'il en a fait tellement que... Oui, c'est ça. Et je vous propose d'aller en 1984 pour écouter de la dance, de l'électro, pour écouter un artiste français. Et il y en a quand même pas mal des artistes français qui font de l'électro dans les années 80, 90, 2000. Et donc là, je vous propose d'écouter Jean-Michel Jarre avec Zolocologie. Il est 18h50 sur Radio Antigone. Jean-Michel Jarre, donc, dans l'autre sélection musicale. Thank you. Jean-Michel Jarre avec Zoolookologie sur Radio Antigone. C'était ma sélection musicale à moi. Et Enzo, maintenant, c'est à toi de nous présenter la tienne. Et oui, nous retournons en 1985 aujourd'hui avec un titre qui est actuellement dans le top 10 des musiques les plus diffusées aux États-Unis. Alors en fait, je suis allé sur un service qui regroupe les flux de quasiment toutes les radios, hein. Et j'ai remarqué que dans les titres les plus diffusés, il y avait pas que des musiques actuelles, voilà. Et notamment des titres de 1985 plus précisément. Et ce titre est actuellement diffusé sur 4 radios. Oui oui, on a The Pike 100 FM, 95.1 The Best Mix, Anton Yard Raschen, 80 Year Party, ça c'est de l'allemand. On a Recon Musical, bref, il y a vraiment beaucoup de diffusion pour aider aux États-Unis. Elle a été diffusée en les deux dernières semaines 5234 fois, ce qui fait quand même un petit nombre plus que le nombre d'auditeurs de Radio Antigone et de Phil FM confondus. C'est quand même pas mal, donc je vous propose de l'écouter. Il s'agit de Bon Jovi, c'est Living on a Prayer, c'est du rock comme on aime bien sur Radio Antigone, 18h55. Time you to work on the docks. Union's been on strike. His Bon Jovi avec Living on Prayer sur Radio Antigone, 18h59. On va se dire au revoir dans quelques instants. La case du soir. Merci à Matt de m'avoir accompagné. Oui, merci à tous d'avoir suivi cette case du soir qui revient demain à 18h, bien évidemment, à la production, préparation, réalisation, animation de cette émission, Enzo. Merci Matt, et bien sûr, merci beaucoup à toi pour d'avoir co-animé cette émission ainsi que d'avoir préparé la programmation musicale de cette émission. Et on te retrouve bien sûr demain, Matt. Mais oui, bien évidemment, comment on va te retrouver toi demain, comme d'habitude, 18h10, la case actu, 18h30, la case talk, et voilà, c'est plus ou moins tout. Eh bien voilà, c'est déjà bien, hein, on est d'accord? Mais oui, c'est parfaitement bien. Bon, eh bien, je te souhaite une bonne soirée, on se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur, ainsi que la profusion d'argent. Non, ça, je vais l'enlever. Je vous souhaite une très bonne soirée, il est 19h. Bonne soirée. Radio Antigone. Radio Antigone. La radio à vif. Oh, qu'il est long, ce top horaire. J'aurais dû prendre le cours. 19h, l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité. Nous sommes le mercredi 17 juin 2020, voici le journal proposé par nos partenaires d'RFI. Gilles Moreau. Dans l'actualité, les suites de l'accrochage meurtrier entre l'Inde et la Chine. Après cette flambée de violence, les deux puissances jouent maintenant la carte de l'apaisement, mais leurs différends frontaliers sont loin d'être résolus. Explication dans un instant. Autre tension entre la France et la Turquie sur fond de guerre en Libye et d'intervention turque en Irak. Paris en appelle à l'OTAN qui, je cite, ne peut plus faire la politique de l'autruche. C'est aujourd'hui qu'entrent en vigueur les nouvelles sanctions américaines contre le régime syrien. Washington annonce le lancement d'une campagne de pression économique et politique. En fin de journal, le point bourse avec nos confrères d'Investir. La hausse continue à Paris. Aujourd'hui en clôture, plus 0,88%. Le Premier ministre indien a réagi à l'accrochage avec l'armée chinoise, le plus grave entre les deux pays depuis plus de 40 ans. La mort de nos soldats n'aura pas été vaine, selon Narendra Modi. Au moins 20 militaires indiens ont été tués en début de semaine à la frontière entre les deux pays, dans la chaîne himalayenne. Les deux puissances nucléaires jouent maintenant la carte de la diplomatie. Leurs ministres des Affaires étrangères se sont parlé au téléphone aujourd'hui pour tenter de désamorcer la crise. Reste que leurs frontières font régulièrement l'objet de différends. Écoutons à ce propos un spécialiste, Gilles Bocquera de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il était l'invité du journal de la mi-journée. Entre l'Inde et la Chine, c'est le problème lié aux frontières héritées de la colonisation britannique en Inde. Frontières qui n'ont jamais été reconnues par la Chine, que ce soit la ligne McMahon, donc à l'est de la frontière sino-indienne, ou la frontière qui sépare l'Inde de la Chine au niveau du Ladakh. Ça, c'est un legs de la période coloniale et qui n'est toujours pas résolu parce qu'encore une fois, et probablement pas résolu de avant longtemps, parce que c'est un endroit où on s'affronte quand il y a un ressenti beaucoup plus profond, notamment du côté chinois, à l'égard de l'Inde, que ce soit par exemple dans le cas des relations ou le fait que le Dalai Lama soit hébergé en Inde. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est, ça dénote, c'est surtout le reflet d'une rivalité entre ces deux pays bien plus profonde que simplement un conflit sur quelques territoires enneigés la plupart de l'année. Gilles Bocquera, il répondait aux questions de Florent Guignard sur RFI. Le ton est en train de monter entre Ankara et Paris. Paris, qui est sur fond de crise libyenne, se plaint du comportement de la Turquie en Méditerranée ainsi qu'à l'égard des Kurdes. La Turquie vient de lancer une importante opération contre des rebelles kurdes dans le nord de l'Irak. La France en appelle à l'OTAN. L'OTAN ne peut pas s'en tenir à une politique de l'autruche devant ses agissements, selon un responsable du ministère français des armées. Les nouvelles sanctions américaines contre le régime syrien sont entrées en vigueur dans le cadre d'une campagne de pression déclenchée par Washington, pression politique et économique. Les sanctions figurent dans la loi César du nom d'un lanceur d'alerte syrien. Elles visent précisément 39 personnalités et entités, à commencer par Bachar el-Assad et sa famille. La loi César s'appliquera tant que les auteurs d'atrocités n'auront pas comparu en justice, selon les Américains. syrien. Sami Boukhelifa a recueilli la réaction de l'intellectuel syrien Ilia Kajamini. Comme les autorités de son pays, il dénonce une forme de terrorisme économique. La situation économique en Syrie est déjà catastrophique et cette loi américaine, la loi César, risque d'aggraver les choses. En Syrie, nous n'avons d'autre choix que de résister. Jamais nous ne capitulerons. S'il faut manger du pain rassis, nous mangerons du pain rassis. Le président américain est un âne qui ne comprend rien à rien. Cela fait 10 ans que notre pays est en guerre et nous n'avons jamais baissé les bras. S'il faut encore faire des sacrifices, on les fera. Cette loi César, c'est une forme de terrorisme économique. Il voit bien que militairement nous avons gagné. Notre armée est en passe de reprendre Idlib, cette région contrôlée par des terroristes venus des quatre coins du monde. Et donc, leur seule option désormais est de mettre notre pays sous embargo. La monnaie syrienne s'est effondrée. Aujourd'hui, pour avoir un dollar, il faut 3000 livres syriennes. Avant la guerre, c'était 50 livres seulement. Et en France, un oncle du dirigeant syrien Rifat al-Assad est condamné à 4 ans de prison pour blanchiment en bande organisée et fraude fiscale aggravée. Cet homme était jugé aujourd'hui pour avoir bâti un vaste empire immobilier de façon frauduleuse. 3 semaines après la mort de George Floyd aux États-Unis, l'émotion et l'indignation sont toujours vives. La question du racisme et des violences policières est débattue cet après-midi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. La réunion avait été demandée par des pays africains qui veulent une enquête sur le racisme systémique selon eux, notamment aux États-Unis. La situation reste préoccupante à Pékin devant la reprise des cas de coronavirus, précisément 137 nouveaux cas en quelques jours dans la mégapole chinoise. Elle compte plus de 20 millions d'habitants. Les écoles sont à nouveau fermées et les habitants appelés à reporter tout voyage non essentiel. Plus d'un millier de vols ont été annulés au départ et à l'arrivée des 2 aéroports de Pékin. Ailleurs dans le monde, la tendance est au reflux. En Russie, Moscou annonce un peu moins de 8000 nouveaux cas, soit le niveau le plus bas signalé depuis fin avril. Par ailleurs, la Russie vient de commencer les essais cliniques de ces 2 premiers prototypes de vaccins contre le nouveau coronavirus. À Bruxelles, la présidente de la Commission demande que soient mises en commun les ressources pour aider au développement des futurs vaccins. Et de son côté, l'Organisation mondiale de la santé salue une percée scientifique après la découverte faite au Royaume-Uni. Un médicament de la famille des stéroïdes abaisse d'un tiers la mortalité chez les malades gravement atteints. On reste au Royaume-Uni où le maire de Londres, Sadiq Khan, a décidé de réduire son salaire de 10% dans un contexte de crise économique provoquée par le virus. Il appelle dans le même temps le gouvernement britannique à soutenir financièrement les collectivités locales en difficulté. Autant dire, Béatrice Leveillé, que le bras de fer continue entre le maire de Londres et Boris Johnson. Oui, le maire de Londres est passé à l'offensive pour défendre le service public et il n'a pas hésité en effet à donner l'exemple en réduisant de 10% son propre salaire qui s'élevait à 170 000 euros par an. Il a également gelé les salaires de ses plus proches collaborateurs. Le budget de la capitale est sévèrement ébranlé par la crise du Covid-19. La perte financière probable est évaluée à 550 millions d'euros pour les 2 prochaines années, 90% de recettes en moins dans les transports publics et des taxes locales et professionnelles qui ont plongé parce que les particuliers et les entreprises ne sont plus en mesure de s'en acquitter. Sadiq Khan, un des principaux opposants à Boris Johnson, a absolument besoin du soutien du gouvernement, aujourd'hui dirigé par son prédécesseur conservateur à la mairie de Londres. Il veut convaincre le chef du gouvernement d'investir pour permettre la reprise de l'économie et éviter des coupes dans des budgets essentiels comme ceux de la police, des pompiers ou des transports en commun. Le gouvernement britannique a déjà renfloué en urgence les transports londoniens au mois de mai pour éviter que le trafic de bus et de métro soit interrompu. Le Royaume-Uni devrait, selon l'OCDE, enregistrer la pire récession cette année parmi les pays développés. Béatrice de Léveillé en direct de Londres. Merci Béatrice. Football, la prestigieuse Premier League. On reste en Angleterre. Le championnat d'Angleterre est de retour après plus de 3 mois d'arrêt forcé dû au coronavirus. À l'affiche de cette reprise, Aston Villa, Sheffield et surtout ce soir Manchester City, Arsenal. Et en ce qui concerne la Ligue des Champions, on apprend que la finale aura lieu le 23 août à Lisbonne. Cette finale clôturera un tournoi inédit regroupant 8 équipes dans la capitale portugaise à partir partir du 12 août. Enfin, la Ligue Europa s'achèvera le 21 août après un tournoi final en Allemagne. En tennis, on connaît le nouveau calendrier. Le circuit masculin reprendra en août aux États-Unis. Après le tournoi de Washington, s'enchaîneront celui de Cincinnati et l'US Open, tous deux joués à New York. Enfin, Roland-Garros est programmé du 27 septembre au 11 octobre. Avant de conclure, des nouvelles de la Bourse. La Bourse avec Investir. Retour sur la séance de ce mercredi à la Bourse de Paris. Nous sommes avec notre consoeur d'Investir, Céline Pentex. Céline, bonsoir. Bonsoir Gilles. La hausse continue. Et en effet, la Bourse de Paris poursuit sur sa lancée avec une progression de 0,88% ce soir à quasiment 5000 points. Le CAC 40 s'est arrêté à 4995 points très exactement. L'indice parisien a légèrement ralenti en fin de séance, mais une fois de plus, il privilégie les bonnes nouvelles aux mauvaises. Le soutien des gouvernements et des banques centrales à la hausse du nombre de nouveaux cas de Covid-19. Aux États-Unis, dans l'État du Texas, le nombre d'hospitalisations liées au nouveau coronavirus a augmenté de 11% en 24 heures. Le conseiller scientifique de la Task Force de la Maison-Blanche appelle à agir rapidement afin d'éviter, je cite, une véritable flambée. En tout cas, les économies mettront du temps à se relever de la crise sanitaire. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, écarte très clairement le scénario d'une reprise en V de l'activité. C'était Céline Pentex, Investir pour RFI. Merci Céline Pentex pour ces nouvelles de la Bourse. Merci à vous pour avoir écouté ce journal. Je vous rappelle que toutes les informations sont à retrouver sur notre site internet. Tous les podcasts de Radio Antigone Tours sont à retrouver sur tours.radioantigone.com.